appui d'essais automobiles. Il va y défendre les mesures promises par le gouvernement pour aider les automobilistes, à savoir le doublement du nombre de primes à la conversion ainsi qu'un coup de pouce de 4000 euros pour les foyers les plus modestes ou les gros rouleurs. Tariq Ramadan va sortir de prison après 10 mois de détention. Le théologien suisse mis en examen pour viol a obtenu sa mise en liberté. Pour ça, plusieurs conditions, le versement d'une caution de 300 000 euros, l'interdiction de quitter la France et celle d'entrer en contact avec les plaignantes. Il devra aussi pointer une fois par semaine au commissariat. Accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes, il clame son innocence et évoque des relations consenties. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. L'extension de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes célibataires ou homosexuelles. Le projet de loi devait être présenté à l'Assemblée nationale d'ici la fin de l'année. Finalement, ce ne sera pas avant l'été prochain. Le gouvernement invoque l'encombrement du calendrier parlementaire. Les associations, elles, dénoncent une stratégie électorale pour ne pas froisser les anti-PMA avant les européennes du mois de mai. En Californie, le bilan des incendies qui ravagent le nord de l'État depuis une semaine s'est encore alourdi. Au moins 66 morts et 600 personnes portées disparues. Les secours tentent d'identifier les victimes grâce à des échantillons d'ADN fournis par les proches de ceux qui manquent à l'appel. Demain, le président américain Donald Trump ira à leur rencontre. Les pompiers espèrent contenir entièrement les flammes d'ici lundi grâce à de meilleures conditions météo. Allez, on change de sujet. Les sports en foot, direction Rotterdam pour l'équipe de France. Les champions du monde affrontent les Pays-Bas à 20h45 dans le cadre de la Ligue des Nations. Objectif terminé premier de leur groupe. Pour ça, un match nul leur suffira. Hier, la Belgique a battu l'Islande 2-0. La Croatie l'a emporté 3-2 sur l'Espagne. Et puis sur la route du Rhum, on vient de l'apprendre, le Britannique Alex Thompson s'est échoué cette nuit au nord de la Guadeloupe. Il était à quelques milles de l'arrivée. Il va bien. La météo, comme hier, le temps sera très gris dans la matinée sur la moitié nord du pays. La grisaille dominera aussi entre le golfe du Lion et les vallées du sud-ouest où il y aura un risque de pluie. Dans l'après-midi, on attend de belles éclaircies entre le sud-ouest et le nord-est du pays. En revanche, ça restera assez nuageux sur un grand quart nord-ouest. En soirée, le ciel se chargera de la Provence au Languedoc avec quelques averses la nuit prochaine. Les températures ce matin, 5 degrés à Pontarlier, 6 à Lille, 7 à Paris, 9 à Dinan, 11 à Seignos, 13 à Bastia, 14 à Toulon. Cet après-midi, on attend 10 degrés à Strasbourg, 14 à Amboise et Clermont-Ferrand, 15 à 7 et 16 degrés à Cabourg. Bon réveil avec le double expresso RTL 2, le son pop rock. All I need is one. SD dans le Double Expresso RTL 2. Grégory Hacher et Justine Salmon. Expresso RTL 2 de 6h à 9h. 6h05, quel plaisir de vous retrouver ce matin. On est vendredi. C'est le double expresso du vendredi. Et qui dit vendredi dit invité du vendredi. Et non, c'était week-end. Mais ça marche aussi, c'est très bien. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bonjour l'équipe. Bonjour. Jérémy, Jonathan, Max, Anaël, Clara, Jules, tout le monde est en forme. Grâce à Thomas qui a fait la nuit avant, on a appris donc que ton prénom voulait dire raisonnable. J'ai adoré. Je tiens à vous le dire, c'est peut-être l'info de la semaine pour moi, ça. C'est quand même très drôle, ouais. C'est génial, l'inconscient des parents qui se sont dit oh là là, on va faire une turbulente. Ouais, elle l'appelait raisonnable. Bah, turbulente, n'exagère pas, mais c'est un peu l'opposé de moi-même, ouais, raisonnable. Qui trouve que j'exagère ? Personne. Mais c'est ça qui fait ton charme, c'est pour ça qu'on t'aime, évidemment. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a envie de te faire plaisir, Justine, une nouvelle fois. Puisque à partir de 8h, ce sera ta meilleure amie qui va venir, hein, tout simplement. Bon, elle le sait pas encore, c'est ta meilleure amie. J'aimerais bien. Vous feriez quoi? Vous iriez boire du thé, manger des cakes comme ça? On irait au cinéma, ah ouais, tout ça quoi. Non, c'est ah ouais, ah, ce serait bien. Ah, mets ta ceinture derrière quand même, je t'emmène et tout ça. Et Divine Idyl aussi qui marche. T'as des rapports bizarres avec tes meilleurs amis. Tes amis sont chauffeurs Uber, visiblement. Ouais, je sais pas pourquoi. J'ai pas plaisir particulier à attacher les gens, hein, à le dire quand même. C'est bizarre. De manière tout à fait nette. Elle sera là avec nous tout à l'heure en direct, Vanessa Paradis, évidemment, à partir de 8h, dans le double expresso RTL 2. On est en pleine forme aujourd'hui, l'horoscope, le winner, le tout de la brosse à dents, l'info expresso. Puis Mackenzie Mechanics. Allez. On fait ça. Bonjour, c'est RTL 2. My heart.

one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. 6h16, c'est le Double Expresso RTL2. Nous sommes en pleine forme. Ça va, Justine ? Oui, ça va. Et toi, Greg ? Bah oui, écoute, on est vendredi matin. On se réveille tranquillement. Bonne fête aux Marguerites. Et puis aujourd'hui, journée importante. Il faut qu'on travaille ça, toute l'équipe. Journée internationale de la tolérance. Il faut qu'on fasse un effort aujourd'hui. Bah surtout vous, hein. Ah, vraiment, tout le monde, hein. C'est ta journée, donc. Ouais, exactement. Faut que je fasse vraiment. Merci, Jérémy. Faut vraiment que je sois au taquet. Dire Straits avec la voix de Sting, Money for Nothing, avant l'info expresso de Justine sur RTL2. It's Money for Nothing dans le Double Expresso RTL2. L'Info Expresso RTL2. Retour dans le passé dans cette Info Expresso, puisque Justine, tu as donc trouvé une pépite pour trouver la femme idéale dans les années 50, c'est ça ? Oui, je vous raconte, j'ai trouvé ça sur Terra Femina. En fait, c'est rigolo, c'est Kim. Kim, c'est une habitante de l'état du Wisconsin aux États-Unis et elle a fait la brocante. Début octobre. Comment on dit ? Elle a fait la brocante. Elle a été faire une brocante. Elle est allée chiner, oui, voilà. Voilà. Et elle est tombée sur un vieux magazine qui s'appelait McCall's, qui datait de 1958, ouais. Et qui s'appelait Âge d'or de la parfaite femme au foyer obéissante. Donc elle l'a acheté parce que ça l'a intriguée. Ah, le bon vieux temps. Il y avait marqué sur la couverture 129 façons d'obtenir un mari. Et alors là, elle a partagé les précieuses pages du dossier sur Facebook et je vous ai gardé quelques pépites. Allez, on y va. Par exemple, comment le trouver, ce mari? Eh bien, on nous explique, par exemple, il faut casser sa voiture dans des lieux stratégiques. Oh là là, le cliché du gars qui conduit, tu casses ta voiture. Ou oh. Sinon, lire les rubriques nécrologiques pour trouver des veufs potentiels. Non, c'est hallucinant. C'est les années 50, hein. Ah, il est dispo, ça y est. Il est dispo. Eh, c'est quasiment 60, mais 58. Hein. Comment attirer son attention, maintenant? Ouais. Alors, pour attirer son attention, trébucher en entrant dans une pièce où il se trouve. Ah bah ça, c'est ce que tu ça, fais ça assez régulièrement. Ouais, ça, c'est... Moi, c'est naturel. Ça ou sinon, tenez-vous dans un coin et pleurez doucement. Il y a de grandes chances pour qu'il arrive et demande ce qui ne va pas. Il faut pleurer doucement, attention, si tu pleures fort, ça ne marche pas. Je pense que tu peux faire peur si tu pleures trop fort. C'est incroyable. Et alors, on finit sur les idées folles. Alors, ça, c'est vraiment de la grosse pépite. Alors, les idées folles. Vous louez un panneau publicitaire et postez la photo et votre numéro dessus. Ah, ça coûte de l'oseille, hein, par contre. Déjà, ça, ouais, c'est un investissement. C'est pour les femmes riches, là. Hein. Et alors, dernière petite pépite, vous prenez le bus qui va à l'aéroport en faisant plein d'allers-retours. Et là, bah, vous allez finir par trouver l'homme de votre vie, c'est connu. D'accord. Ah ouais, d'accord, c'est impeccable. Il faut un mec qui a une valise, donc c'est ça. Tu prends que des mecs qui ont des valises. C'est un bon parti. On vous poste ça sur la page Facebook, on relaie évidemment ce guide absolument incroyable. Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel again. But you broke me, now I can't feel anything. When I love you and so untrue, I can't even convince myself. When I'm speaking, it's the voice of someone. Try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can't play on broken strings. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can't. Playing house in the ruins of us. Running back through the fire when there's nothing left to say. It's like chasing the very last train when it's too late to land. Oh, it takes. Tell you something that ain't real. What the truth hurts, the lies worse. So I get

Autre procès, celui de Georges Tron, l'ex-secrétaire d'État et son ancienne adjointe à la mairie de Draveil ont été acquittés. Ils étaient accusés de viol en réunion par deux employés municipaux. La Cour a considéré que les éléments à charge n'étaient pas suffisants pour les condamner. Elle n'a pas retenu la thèse de l'abus de pouvoir. Elle estime que les plaignantes étaient dans une logique de vengeance. Il avait promis de venir chaque année. Finalement, Emmanuel Macron ne se rendra pas au Congrès des maires de France jeudi prochain. C'est le Premier ministre Édouard Philippe qui ira prononcer le discours de clôture à sa place. Le chef de l'État, lui, s'exprimera la veille à l'Élysée devant plusieurs centaines d'élus. Une annonce qui intervient en pleine période de tension entre l'État et les collectivités territoriales, notamment autour de la question des impôts locaux. En Californie, le bilan des incidents, des incendies qui ravagent le nord de l'État depuis une semaine s'est encore alourdi. Au moins 66 morts et 600 personnes portées disparues. Les secours tentent d'identifier les victimes grâce à des échantillons d'ADN fournis par les proches de ceux qui manquent à l'appel. Demain, le président américain Donald Trump ira à leur rencontre. Les pompiers espèrent contenir entièrement les flammes d'ici lundi grâce à de meilleures conditions météo. On passe au sport et en football, direction Rotterdam pour les Bleus. L'équipe de France affronte les Pays-Bas ce soir à 20h45 dans le cadre de la Ligue des Nations. L'objectif, c'est de terminer premier du groupe A. Pour ça, un match nul leur suffira. Hier, la Belgique a battu l'Islande 2-0 et la Croatie l'a emporté 3-2 sur l'Espagne. Et puis en tennis, ça passe pour Federer au Masters de Londres. Le Suisse qui avait raté ses débuts a réussi à se qualifier pour les demi-finales. La météo, comme hier, le temps sera très gris dans la matinée sur la moitié nord du pays. La grisaille dominera aussi entre le golfe du Lion et les vallées du sud-ouest où il y aura un risque de pluie. Dans l'après-midi, on attend de belles éclaircies entre le sud-ouest et le nord-est du pays. En revanche, ça restera assez nuageux sur un grand quart nord-ouest. En soirée, le ciel se chargera de la Provence au Languedoc avec quelques averses la nuit prochaine. Les températures ce matin, il fait 2 degrés à Metz, 6 au Touquet, 7 à Vierzon et à Vichy, 10 à Libourne, 12 à Propriano, 13 à Cagnes-sur-Mer. L'après-midi, on attend 12 degrés à Mâcon, 13 à Paris et Dreux, 15 à Lamballe et 18 à Toulouse. On va jouer à 6h45, Justine. On joue au tube de la brosse à dents. Appelez-nous 3228 pour gagner un iPad. Encore aujourd'hui. Avec Bruce Springsteen. Bonjour et bon réveil. Just go ahead now. Raptors et Two Princes sur RTL2. Il est 6h36, bonjour. Le double expresso RTL2, le winner du jour. Un winner retrouvé ce matin sur CNews. Est-ce que tu connais le pont Zolotoy-Most? Pas du tout. Pas du tout. C'est à Vladivostok. Nous sommes en Russie. Il a ouvert ses portes, enfin, si on peut dire ça comme ça, pour un pont en 2012. D'accord? Sauf que c'est un pont qui, même s'il permet aux gens d'aller très rapidement en plein centre-ville, on ne peut pas l'emprunter à pied. Oh. C'est un pont uniquement dédié aux voitures, aux véhicules. D'accord. On ne peut pas emprunter ce pont à pied, alors que c'est le chemin le plus court vers le centre-ville. Alors, on a quelques camarades, c'est le cas de le dire, en Russie, qui se sont dit « Hé, pour traverser le pont, est-ce qu'on ne va pas feinter ?» Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont déguisés en autobus. Oh là là, donc c'est pas possible. Donc les gars se sont dit, on va se mettre un déguisement en mousse, tout jaune et rouge, oh là là, en forme de bus scolaire, grosso modo. Ils se sont mis à 3 ou 4 dedans, ils se sont mis la tête comme tu fais dans un truc de cheval, tu sais, et ils se sont mis à traverser le pont avec leurs petites papates. Bon, ils se sont fait gauler, on les a ramenés au début du pont, ils n'ont pas pu traverser. C'est fou ces envies de braver l'interdit, toujours plus haut, plus fort. Ah ouais, mais là, ils l'ont fait de manière légèrement étonnante. J'ai un déguisement de Fiat Panda s'ils veulent retenter le coup. Oui, voilà. Oui, ça peut marcher. On n'est pas à l'abri que ça puisse fonctionner. Allez. On vous poste ça également sur la page Facebook du Double Expresso RTL2. Les photos, les vidéos sont vraiment très très amusantes. Je vous assure qu'ils ont l'air un petit peu neuneux, légèrement. Comment tu dirais toi, neuneux, tu dis Nunu. Orson, No Tomorrow dans le Double Expresso RTL2. Bonjour, bienvenue. Let's go to a rave and behave like we're tripping simply cause we're so in love. You're wearing, love it when they check you out. Cover's only $20, and even if the DJ sucks, it's time to turn this mother out. Et No Tomorrow dans le Double Expresso RTL2. Alors, à 6h40, c'est le moment de vous annoncer l'arrivée de Bruce Springsteen. Bruce arrive pour jouer avec lui 32-28 et pour gagner un iPad encore aujourd'hui. Exactement. Dernier jour. Il est en train d'accorder sa brosse à dents. Il fait ça. Je l'ai vu passer, de c'est loin. Assez spectaculaire. 32-28 pour l'iPad et puis on écoutera Queen. Jérémy, quel est le nom de cette chanson English Lesson là, comme ça en direct? Don't stop me now. Bravo. Oh là là. Franchement, il y a du mieux. C'est vachement bien. Eh ben, je suis content. Non, tu vois, avec ta mère, on est content de te payer des cours. Parce que du coup, ça marche bien. À tout de suite sur RTL2. Écoutez RTL2, we are good news. À l'occasion de la sortie de leur nouvel album Simulation Theory. Écoutez RTL2 et partez à Londres pour le concert de Muse. À tout moment,

ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. Having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by. Stop Me Now dans le double expresso RTL2. RTL2, le tube de la brosse à dents. Dernière candidate du tube de la brosse à dents RTL2 cette semaine, c'est Claude. Bonjour Claude. Bonjour Grégory, bonjour Justine. Salut Claude. Ça va bien ? Ça va très bien. J'ai envie de dire « How are you ?» Oh bah oui, parce que Claude est prof d'anglais. Hi Claude, hi. Comment ça va ? Très bien, I'm fine. I'm fine, thank you very much, my teller is rich. Alors vous le savez, Claude, vous qui êtes sans doute une fidèle de l'émission et je vous en remercie, Jérémy, notre réalisateur, a beaucoup progressé en anglais cette dernière année, oui. Avec les English lessons, il a vraiment beaucoup évolué avec les titres. Hein, Jérémy, you are quasi bilingue right now. Yes, it's good. You are fluent. Comment? Non, ça veut pas dire que t'es fluet, ça veut dire que t'es bilingue, ça veut dire que tu comprends tout. Oui, tout à fait. Tout alors, à fait. Claude, est-ce qu'en une phrase, pouvez-vous nous dire ce que vous apprenez à vos élèves en tout premier? C'est quoi la phrase clé pour démarrer l'anglais? En tout premier, pour démarrer l'anglais, on apprend à parler anglais en classe. C'est-à-dire que je leur donne le vocabulaire de la classe. Alors donc là, par exemple, Jérémy peut dire « Bonjour, je m'appelle Jérémy ». Ça, c'est un truc qui peut marcher, par exemple. Oui, alors, ça vas-y, peut marcher. Vas-y, dis-le, Jérémy. My name is Jérémy. Bon bah c'est bien. Hein, hello, okay. My name is Jérémy. Écoutez Claude, merci pour vos cours. On va quand même vous faire jouer avec Bruce Springsteen quand même. Hein, c'est pas rien. Bonjour mon Bruce. Ben oui. Hello the pop rocker. Hello Claude. How are you? Fine. Vous aimez aller sur les îles, Claude? Oui. Eh ben écoutez, musique. Tous les matins dès le réveil, quand tu joues, tu tends l'oreille. Pour décrocher le gros lot, va falloir être très très chaud. Je me brosse pour que tu gagnes. Je me brosse pour que tu gagnes. Je me brosse pour que tu gagnes. Je me brosse pour que tu gagnes. À nous. Je me brosse. Brosse. Je me brosse. Je me brosse. Oh yeah. Oh là là, mon brosse, mais... tu me surprends de jour en jour. On voyage avec moi, ma Juju. Oh là là, tu me fais rêver. Hein. Magnifique. Claude, ça vous a plu? Oui, tout à fait. C'est super. Bon, Claude, on va jouer maintenant. Hein. Ça suffit. Ça fait 12 minutes qu'on est à l'antenne. Allez. On n'a pas commencé ce jeu. Allez, brosse, à toi de chanter. Pendant la nuit de lumière. Oh, oui. Nous ne faisons que traverser. C'est. Allez-y. C'est qui? David Guetta, non? Ah non. Ah non. Oui, c'est pas. Get Myself, c'est pas David Guetta? Non, alors c'est Help Myself. Et c'était Gaëtan Roussel. Parce que non, David Guetta, en fait, c'est plutôt chez les copains de Fun Radio au bout du couloir. Nous, on joue plus Gaëtan Roussel, vous voyez. Mais Claude, pas de panique. C'est un peu le David Guetta du son pop rock. Oui, c'est. Ouais. On va vous offrir trois cadeaux. D'abord, le mug du Double Expresso, The Mug of the Double Expresso, Enzen. Pour votre mari, une montre Atlas for Men, ou pour votre mari, votre fils, qui vous voulez. Voilà. Également, le DVD du film L'école est finie. On est ravis pour vous, ces trois cadeaux partent direction Saint-Félieu d'Aval. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne journée. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL 2, Claude? Un double expresso. Time to get away, gotta help myself soon. Help myself. Time to get away, gotta help myself soon. S'arrêter. Si l'on nageait sans respirer, aurons-nous de l'air cet été? Tout le monde cherche à s'échapper. Gaëtan Roussel, Help Myself. L'actualité revue et corrigée par Jonathan O'Donnell dans le double expresso RTL 2. 16h55, je vous imagine en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'on va faire dimanche soir? On va faire des nouilles, on va faire des pâtes, on va regarder le film. Mais non, dimanche soir, vous allez aller voir Jonathan O'Donnell si vous êtes du côté de Paris, au Théâtre Beau-Saint-Martin à 18h30. Et voilà, c'est parfait. C'est une introduction. Parfait. Nickel. Bonjour, bonjour Grégory. Bonjour Justine, bonjour à tous. On démarre avec de la politique. Emmanuel Macron a dormi sur le Charles de Gaulle et c'est la première

RedbySFR, c'est vert, c'est clair. Rendez-vous vite sur redbySFR.fr. Le forfait 40 gigas, c'est 10 € par mois. Uniquement en France métropolitaine jusqu'au 22 novembre 2018 pour tous nos nouveaux clients. Bonjour à tous, bon vendredi matin. Il est 7h, vous êtes sur RTL 2. Le son Bonjour à tous, Imagine Dragons, c'est Alanis Morissette arrive après les infos de Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Tariq Ramadan va sortir de prison. Après 10 mois de détention, le théologien suisse mis en examen pour viol a obtenu sa mise en liberté. Pour ça, plusieurs conditions, le versement d'une caution de 300 000 euros, l'interdiction de quitter la France et celle d'entrer en contact avec les plaignantes. Il devra aussi pointer une fois par semaine au commissariat. Accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes, il clame son innocence et évoque des relations consenties. J-1 avant la mobilisation des Gilets jaunes. À la veille de cette journée de blocage, le Premier ministre Édouard Philippe se rend dans l'Essonne ce matin sur un circuit d'essais automobiles. Il va y défendre les mesures promises par le gouvernement pour aider les automobilistes, à savoir le doublement du nombre de primes à la conversion et un coup de pouce de 4000 euros pour les foyers les plus modestes ou les gros rouleurs. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. L'extension de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes célibataires ou homosexuelles. Le projet de loi devait être présenté à l'Assemblée nationale d'ici la fin de l'année. Finalement, ce ne sera pas avant l'été prochain. Le gouvernement invoque l'encombrement du calendrier parlementaire. Les associations, elles dénoncent une stratégie électorale pour ne pas froisser les anti-PMA avant les européennes du mois de mai. Theresa May ne veut rien lâcher. Hier soir, la première ministre britannique a de nouveau défendu bec et ongles le projet d'accord sur le Brexit trouvé avec Bruxelles. Plus tôt dans la journée, elle a dû faire face à des démissions en série au sein de son gouvernement, parmi elles justement celle du ministre en charge du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Allez, on passe au sport en foot. Les Bleus en route pour la phase finale de la Ligue des Nations. L'équipe de France joue aux Pays-Bas ce soir à 20h45. En cas de victoire ou de match nul, les champions du monde seront qualifiés pour cette fameuse phase finale qui aura lieu au mois de juin. Le tirage au sort des matchs, lui, se tiendra le 3 décembre, jour de remise du Ballon d'Or. On termine avec un mot de la route du Rhum. C'est un coup dur pour Alex Thompson. Le Britannique s'est échoué cette nuit sur les côtes au nord de la Guadeloupe. Il était à quelques milles de l'arrivée. Le skipper va bien. Il est parvenu à repartir. La météo, comme hier, le temps sera très très gris dans la matinée sur la moitié nord du pays. La grisaille dominera aussi entre le golfe du Lion et les vallées du sud-ouest où il y aura un risque de pluie. Dans l'après-midi, en revanche, on attend de belles éclaircies entre le sud-ouest et le nord-est du pays. Ça restera assez nuageux sur un grand quart nord-ouest. Et puis en soirée, le ciel se chargera de la Provence au Languedoc avec quelques averses la nuit prochaine. Les températures ce matin, 4 degrés à Oyonnax, 7 à Lens et à Paris, 8 à Brignoles, 11 à Saint-Brieuc, 12 à Arcachon, 13 à Porto Vecchio. Cet après-midi, on attend 10 degrés à Strasbourg, 14 au Mans et à Clermont-Ferrand, 15 à Aromanche-les-Bains et 16 à Leucate. 7h04, salut à tous, bonjour Juju, ça va ? Et coucou Greg, ça va très bien et toi ? Ça va très bien, t'es ravi d'accueillir Vanessa bah Paradis. Bah oui, je ne peux qu'elle est bien. Merci Alanis Morissette sur RTL 2. How about getting off of these antibiotics? sur RTL 2, c'est Thank You. Grégory Achère et Justine Salmon. Bon réveil avec le double expresso RTL 2. C'est vendredi, ça commence à sentir bon le week-end. Bonjour à tous, bonjour l'équipe. Bonjour. Ah, tout le monde est en pleine forme ce matin. Vanessa Paradis sera avec nous. Ouais, dans moins d'une heure. Elle sort son nouvel album Les Sources et elle a choisi RTL 2 pour venir vous le présenter avant tout le monde. Ce sera tout à l'heure, dès 8h en direct évidemment. J'ai eu la chance d'écouter l'album hier soir, je l'ai écouté en boucle chez moi. Mes voisins le connaissent par cœur. Ah oui, tout le monde. Le quartier entier connaît l'album de Vanessa Paradis grâce à Justine, évidemment. Tiens, j'ai trouvé la carte du monde idéale pour tous les fans de musique. Ce sera mon info expresso de 7h18 puisque tu parlais de musique. Pas mal. Ah ouais, vous allez voir, c'est assez génial. On va voyager en musique. Imagine Dragons sur RTL. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it, I'm gonna. C'est le double expresso RTL 2. Hier, je vous disais que les Français chantaient sous la douche. Vous vous souvenez? Oui, oui, oui. Pas beaucoup de Français, 28. Ouais. T'as bien écouté. 20. Oui. Tous, vous avez écouté, bravo. Bah oui, oui, hein, tant 28, que tu parles. 28% des Français chantent sous la douche. Eh bien, c'est beaucoup plus qui écoutent de la musique en conduisant, et notamment RTL 2 et la musique ne sont pas propres. À votre avis, combien de pourcentage de Français écoutent de la musique? 85. Allez, les jumeaux de réponse, 88. Ah bah oui, ça on est pas loin, au juste prix on est bien. Moi j'écoute RTL 2 tout le temps en voiture. Voilà, vous êtes 88% des Français écouter de la musique en conduisant, ce qui sera le cas dans quelques secondes avec Status Quo. In the Army Now. Et puis justement l'info expresso sera musicale. A tout de suite sur RTL 2. RTL 2 présente le 13 Tour d'Indochine, la tournée événement. Vivez le concert d'Indochine, le plus grand groupe de rock français, en direct de l'Accor Hotel Arena. Indochine en concert. Ce soir à 21h. En direct sur TMC et RTL 2.

Status Quo, In the Army Now dans le double expresso RTL2. L'info expresso RTL2. Alors Greg, tu as trouvé la carte du monde idéale pour tous les fans de musique. Je vous le dis, intéresse. Je veux ça pour mon anniversaire l'équipe. Tout le monde doit écouter, ma femme écoute, tout le monde, mes parents, tout le monde écoute, je veux ça pour mon anniversaire. En plus, bon c'est pas donné mais c'est 34 euros, ouais, en se cotisant, c'est pour, jouable. Pour un cadeau d'anniversaire ça va. Ouais, c'est quand même complètement jouable. Il mérite pas. Bon. En fait c'est une carte qui recense, au lieu de marquer par exemple sur une carte le nom des villes, là il y a marqué le nom des villes avec une chanson qui lui est dédiée. Ah génial. Donc en fait les grandes villes ou les pays sont remplacés par le titre d'une ou plusieurs chansons. Il y a plus de 1000 chansons qui sont représentées sur cette carte vintage. C'est un bel objet, c'est une carte vintage qui fait 60 cm sur 80. Donc vous voyez, c'est quelque chose à mettre au mur façon les planisphères. Oui, d'accord. Sympa. Donc on va aller faire un voyage d'ouest en est. Et si on commence par l'ouest, on a tout d'abord les États-Unis qui sont représentés par The Born in the USA de Bruce Springsteen. C'est logique. On se rapproche de nous et on a traversé l'Atlantique pour arriver à Londres. London Calling des Clash. Donc vous avez pour chaque ville ou chaque pays une chanson, je le rappelle. Et puis, si on va un petit peu plus loin, les Beatles, Back in the USSR pour représenter la Russie, évidemment. Et c'est comme ça, avec plus de 1000 chansons. Si vous décidez d'écouter toutes les chansons représentées sur la carte, ça va vous prendre 74 heures. Mais c'est bien, au moins il y a du choix. Ah ouais, il y a ça vraiment du choix. Une nouvelle playlist. On peut rajouter Fake Tales of San Francisco des Arctic Monkeys pour San Francisco. Il y a No Sleep Till Brooklyn pour Brooklyn des Beastie Boys. Et puis on a des tonnes comme Trans Europe Express de Kraftwerk pour l'Europe. Et en soirée entre amis, j'y pense, c'est un super jeu. Ça peut être pas mal. En blind test, ouais. Hein. Ah ouais, les villes. Ah ouais. Ça peut être trop cool. Bah pourquoi pas. En tout cas, on vous poste ça sur la page Facebook du Double Expresso RTL2. When you look so good. The pain in your face doesn't show. When you look so good, and baby you don't even know. When the world is out, the world is not your kind of thing. Full of shooting stars, brighter as the vanishing ink. Oh, you've seen enough to know it's

Coldplay Paradise sur RTL2. RTL2, la chanson du jour. Une chanson du jour avec une icône. Oui, c'est Madonna et Music. C'est sur son 8e album studio qui s'appelle aussi Music. Et c'était en septembre 2000. C'est-à-dire que album. Ah, quand même. Quand j'ai écrit la chronique, il a déjà 18 ans. C'est jour. Majeur. Comment t'as dit? T'as fait. Je peux pas dire là. Ouais, mais t'as dit ça. J'avais 14 ans. Collaboration évidemment avec un Frenchie, ex-membre du groupe Taxi Girl, groupe phare des années 80, Mirwaze. C'était en pleine période French Touch. Vous savez, quand Daft Punk commence à arriver. Là, évidemment, Madonna, elle a un truc, c'est qu'elle suit l'évolution de la musique. C'est toute son intelligence. C'est-à-dire qu'elle s'entoure toujours des gens qui font des cartons, qui sentent la mode, les mouvances du moment. Et donc, là, on était parti pour de l'électropop French Touch avec Mirwaze. Alors, look de cowgirl, ceinturon, chapeau de cowboy. On se souvient du clip. C'est le premier album de Madonna qui ne contient pas les paroles dans le livret. C'est à la fois un geste écologique parce que ça évite de gaspiller du papier et en plus c'était plutôt moderne. Rendez-vous sur le site madonnamusic.com à l'époque pour trouver les paroles. Numéro 1 dans le monde évidemment, et puis ça commence comme ça, c'est la chanson du jour sur RTL2. Et on va le faire ensemble. Hey Mr DJ, put the record on, I want to dance with my baby. Hey Mr DJ, put a record on, I wanna dance with my baby. We'll be right back.

and they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. It'll be alright. It'll be alright. It'll be alright. It'll be alright. 7h46, Justine, tu me permets, je vais essayer de piéger Jonathan O'Donnell. Vas-y. Quel est le numéro de téléphone pour jouer à la banque? 3228. Et le SMS? 74900. Et le mot à envoyer? Banque. Oui, oui, oui. On joue après Eagle Eye Cherry sur RTL2. Il y a jusqu'à combien? 10 000 euros. Oh là là. Come on and close the curtains, cause all we need is candlelight. You and me and a bottle of wine and a hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry, cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Était venu nous voir dans le double expresso RTL2. Il avait chanté deux chansons en direct. Eagle Eye Cherry, vous retrouvez tout ça sur RTL2.fr. Save tonight. C'est l'heure de la banque RTL2. Et elle passe nous voir ce matin. C'est Julie. Bonjour Julie. Bonjour Grégory. Bonjour Lucie. Coucou Julie. Ça va bien? Ben, ça va et vous? Oh, ben, oui. Super, vous êtes à Septem-les-Vallons. C'est pas très loin d'Aix-en-Provence. C'est ça. Bon. C'est ça. Et je vois que vous êtes déjà une jeune maman. Oui, jeune, jeune. Si, vous êtes une jeune maman. Bah, si vous avez mon âge, vous êtes jeune. Ah bah, excusez-moi, vous avez deux enfants à l'âge de Justine, vous êtes jeune et en plus vous êtes doublement maman. Tout allez, est vrai. Bim, bim. Ah, non, mais ça n'a pas de rapport. Mais de quoi on parle? Pas du tout. Ça n'a pas de rapport avec toi, c'est juste qu'elle est jeune. Vous, eh, on peut le dire, vous avez 32 ans, vous êtes jeune. Extrêmement. J'aimerais bien ouais, avoir 32 mais ans. Bon, deux enfants, ça ferait un coup de vieux quand même. Ah, bah, il est bon. Et on vous a pas forcé aussi, ne nous engueulez pas, Julie. Et Julie, vous recherchez un emploi, c'est ça? C'est ça. Vous recherchez un emploi dans quoi? Allez, allez-y. Dans la banque, voilà, en tant que conseillère ou agent administratif. Bon. Du côté voilà. D'Aix-en-Provence, du coup. C'est ça. Si vous êtes une banque et vous recherchez quelqu'un, vous nous appelez, on transmettra à Julie si on vous permet de trouver un emploi. Ça nous fera plaisir. On va essayer de vous offrir aussi jusqu'à 10 000 euros, des vacances, des séjours, des smartphones, plein de belles choses. Attention au coffre vide. Top chrono, c'est la banque RTL 2, une minute, coffre 1. Un robot pâtissier KitchenAid. 500 euros. Coffre 2. Un lecteur DVD. Passe. Coffre 3. Passe. Un pack PS4 et le jeu Spider-Man. Le pack 359 euros. C'est beau, hein? Ah, j'ai mis, mon mari, c'est trop loin. Ah, la PS4, le pack PS4, il est pas mal. Il vous reste 32 secondes. On passe? Oh là là, la coffre 4, 30 secondes. Un séjour Thalazur pour deux personnes. Ah, le séjour Thalazur, 3 jours, 3 nuits. À Saint-Jean-de-Luz. Ah, mais oui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe. Coffre 5, 15 secondes. Un ensemble Bose. 600 euros avec des enceintes, un ensemble intra-auriculaire pour écouter de la musique. Superbe. Oh là là, coffre 7. Bah ouais, je le sentais. Ah bah, soit il y a une énorme somme derrière en ce moment, là, ça tombe bien, soit. Bah ouais. Oh, ça m'embête, plus de 3000 euros de cadeaux qui sont partis en fumée. Waouh, mais c'est pas grave, c'était le plaisir d'être avec vous. Mais ouais, oh, merci pour votre bonne humeur, Julie. On vous offre le mug du double expresso RTL2, on vous offre également une montre Atlas pour votre homme, votre mari, et puis également, Justine, un DVD. Le DVD du film L'école est finiste avec Bérangère Krief. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne journée. Qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2, Julie? Un double expresso, bien sûr. Is going on dans le double expresso RTL 2. RTL 2, les savoirs inutiles. Et avant de lancer le savoir inutile, un message quand même sur la page Facebook. On fait un petit message à Bernard qui nous écoute depuis Le Mans, du haut de sa grue. Et il a envoyé un selfie depuis, enfin une photo de sa grue, ouais. Avec le soleil qui s'élève. Magnifique. Ça nous a plu. Du coup, on a un petit peu dérapé. On vous embrasse, Bernard. Allez, on y va. Musique irlandaise. Bon, écossaise. Mais bon, bref, on va direction l'Irlande ce matin. Écoutez bien, nous sommes le 10 novembre 1951, en pleine forêt du comté de Wexford. Ce matin-là, Sir Hugh Beaver voit passer à la chasse un oiseau très rapide. Bon. Après avoir raté son coup de feu,

Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Maroon 5, Girls Like You dans le Double Expresso RTL 2. Grégory Achère et Justine Salmon. Le Double Expresso RTL 2 de 6h à 9h. C'est vendredi, ça veut dire qu'il y aura l'invité du vendredi. Déjà, je salue tout le monde. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Il est aux réseaux sociaux. C'est une machine de guerre, c'est Max. Bonjour Max. C'est moi, salut les copains. Machine de guerre, invitation évidemment. Bonjour Jonathan Donnel. Salutations distinguées. Tu seras là à 8h55 pour ton top 3 de l'actu. Exactement. Évidemment, et puis Jérémy, ton manette de l'émission, bonjour. Salut les copains. Annaëlle, Clara, Jules, bonjour. Bonjour Annaëlle. Bonjour. Bonjour Clara. Clara, t'as vu, elle est studieuse, elle téléphone. 3228, vous l'appelez pour la banque RTL2 évidemment. Qui est notre invité ce matin? Bah écoutez, ce sera elle. Qui revient 6 ans après l'album Love Song. Son nouvel album Les Sources sort aujourd'hui et elle a choisi RTL2. On peut écouter ses mots simples hein, en extrait, c'est évidemment la nouvelle chanson. On l'attend Vanessa, on l'a réservé une place de parking. A priori, ça doit arriver assez rapidement une fois qu'on est tout en bas. Je précise qu'il y a des paroles sur cette chanson. Oui, hein. Mais là, on a pris le passage du. C'est une belle c'est déclaration doux. D'amour, cette chanson, elle est magnifique. Autre chose pour bien commencer la journée aussi et à vous mettre de bonne humeur, Chumba Wamba sur RTL2. Thank you.

matins de 6h à 9h, c'est le double expresso RTL2. Here I am, a young man. Come and get me if you can. Up in my room, covered in flames. Meet me at the cinema. You can take me in your car. I'll lie in the back and stare at the planes. There's an orchestra in May, playing endlessly. I even hear it now. Whoa, they play in the devil's key, an endless symphony. I even hear it now. And I listen to music, beautiful music. Yes, I listen to music, beautiful music. Yes, I listen to music, beautiful music. Here I am, a young man. You can roll me in your hand, throw me up high into the air. I wandered on, written torn, a samurai in a storm, over the sand into the Servante dans le double expresso RTL2 Orchestra. Ce matin, dans le double expresso RTL2, Justine Salmon et Grégory Hacher reçoivent Vanessa Paradis. Et Vanessa est avec nous. Bonjour Vanessa. Bonjour. Applaudissements pour Vanessa Paradis qui est notre invitée de ce vendredi matin. Non mais, parce que pour tout vous dire, Vanessa dit, bon il est tôt, c'est le matin, mais il n'y a pas de raison de ne pas être applaudi dès le matin, tu vois, c'est logique. Ça fait plaisir, c'est normal. C'est très accueillant. Bon, ça nous fait plaisir de t'accueillir en direct dans l'émission, parce que je le disais, on peut vous emmener dans les coulisses. Vanessa, depuis le temps que je suis à RTL2, ça fait plusieurs fois que j'ai la chance de t'interviewer, mais souvent c'est vrai que c'était dans des beaux hôtels comme ça se fait à l'américaine, mais là maintenant tu viens nous rendre visite dans le studio, t'étais venue dans le drive RTL2, et ben je t'avoue que ça me fait extrêmement plaisir. Et toute l'équipe également, on en parle, surtout à Justine qui est ta plus grande fan, de t'accueillir ce matin et de t'offrir, c'est une vraie récompense, ce mug du double expresso RTL2 que tu as dans les mains. Un café. Il est beau. Ouais, très beau. Plus sérieusement, tu reviens après 6 ans, alors on peut pas dire d'absence parce qu'il y a eu plein de choses. Bois le café, vas-y, je t'en prie. L'album, c'était Love Song à l'époque. Là, c'est Les Sources. Et très bel objet d'ailleurs, puisqu'on parle aussi du téléchargement. Nous, on l'a dans les mains, il y a des très belles photos, on va y revenir tout à l'heure. Combien de temps il t'a fallu pour le composer? L'écrire, travailler dessus? Oh, c'est difficile, hein, parce qu'il y a eu pas mal de temps off. Donc, il y a des chansons qui ont été composées il y a 3 ans, 3-4 ans. Mais après, j'ai laissé ça un peu de côté, le temps de faire autre chose. Ouais. Et puis, le gros du travail a commencé, en tout cas, en septembre dernier. Enfin, il y a un an. Oui, donc on peut le laisser mijoter un peu. C'est-à-dire que c'est là, ça revient, on travaille, c'est puis d'un coup on y va. Comme ça, on améliore les chansons, on améliore tout, quoi. On approfondit les idées et puis les envies. J'ai eu la chance d'écouter l'album, moi hier soir. C'est un album que je trouve doux, joyeux, élégant, qui est vraiment magnifique pour le merci. Coup. Vous avez, tu as, je ne sais pas, vous, tu. Pas de problème. Moi, je suis parti sur le tu à chaque fois. Mais... tu as 30 ans de carrière quand même, je trouve ça assez dingue. Est-ce qu'on est encore stressé au bout de 30 ans de carrière quand on sort un nouvel album? Ouais, complètement. Ouais. Ça passe pas. Ça passe pas, ouais. Et puis, il y a l'insouciance en moins de la jeunesse, donc ouais. c'est peut-être plus, je sais pas. Je suis désolé, tu es encore très très jeune. c'est pas possible. Non, mais c'est intéressant de voir que tu as encore du stress et d'eau frais, parce qu'il y a quand même une fanbase, comme on dit aujourd'hui, beaucoup de fans qui te suivent. On pourrait croire que c'est gagné quand on sort un album. Mais non, c'est ça qui fait partie aussi de l'adrénaline de ce métier. Et pareil, quand on va faire des concerts, c'est que bon, l'expérience, évidemment, elle sert beaucoup à ce que vous allez présenter aux autres. Mais le travail, la remise en question, tout est remis, les compteurs à zéro à chaque fois. Et spécialement avec les concerts, quoi, parce que le concert du lundi n'a aucune importance par rapport au concert du mardi. Tout est, mais c'est ça qui est excitant aussi. Hein. Alors c'est toujours nouveau. Et retour des concerts d'ailleurs au printemps prochain. Exactement, on en parlera tout à l'heure de la tournée. On va écouter quand même aussi Vanessa Paradis chanter Ces mots simples, c'est le single que vous avez découvert sur RTL2 qui se trouve sur cet album. Écoutons-la, Vanessa Paradis sur RTL2. J'ai quelques mots à te dire, des mots simples à te dire. On les entend souvent dans les films, chez les gens. J'ai déjà dit ces mots simples en y croyant ou en feinte. La première fois, enfant, à moi-même de temps en temps. Ces mots simples pour te les dire, je voudrais que tout soupir disparaisse dans ce vent. Que l'hiver soit aux amants, je voudrais pour dire ces mots, avoir inventé ces mots, qu'on ne les dise chaque fois en ne pensant qu'à toi. Pour d'autres, un peu tremblant, ces mots simples qui font frémir et certains autres mourir. Je te les donne à présent, c'est mon cœur, c'est mon sang. Simple, Vanessa Paradis, le nouvel album Les Sources sort aujourd'hui et elle nous fait l'amitié et le plaisir d'être avec nous sur RTL2 dans le double expresso ce matin. Ça nous fait vraiment plaisir, Vanessa, de t'accueillir pour parler de cet album qui a été enregistré à Los Angeles. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur l'histoire de cette chanson, Ces mots simples? Parce que c'est une question traditionnelle du vendredi matin quand on l'écoute. La chanson, on a envie de savoir d'où elle vient. Alors, c'est une chanson, paroles et musique de Samuel Benchetrit. C'est une déclaration d'amour. C'est une magnifique déclaration d'amour. Oui. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Parce que je sais que par exemple, ça a beaucoup ému Justine, cette histoire de déclaration d'amour en chanson. Et c'est vrai que ça touche à peu près tout le monde. Mais c'est la façon dont vous parlez d'amour dans vos chansons, moi, me touche beaucoup. Et puis j'ai la chance d'avoir un poète qui m'écrit des mots

over you. Cold the cabbage, threw the garbage, asked for help and got some help. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. You Delis, Sunday with a Flu. Ce matin, c'est Vanessa Paradis qui est notre invitée pour nous présenter son nouvel album, Les Sources, qui sort aujourd'hui, évidemment. Et tu le disais tout à l'heure à Justine, toujours un petit peu de trac quand sort un album, mais aussi toute une équipe. C'est pas que toi, hein, finalement, cet album. On parlait de Samuel Belchetrit pour C'est Mossab. Et puis, il y a aussi un peu quelqu'un qui fait partie de la famille, qui vient régulièrement, qu'on accueille souvent dans l'émission. C'est Adrien Gallo, le leader du groupe Bébé Brune. Travailler avec lui, quand on connaît un peu le personnage, ça doit être aussi assez sympa, hein. Ah, il est merveilleux. Ah, il est tellement talentueux. Mais qui t'avait déjà écrit des chansons. Bien sûr. Oui, oui, oui. Déjà travaillé ensemble. Et là, il signe deux chansons sur l'album. Et j'adore chanter ses chansons. Je trouve qu'il a une si belle écriture et très romantique. Et puis, il y a aussi Fabio Viscogliosi qui signe deux chansons sur le disque. Il y a une petite touche 60s aussi, hein, un peu dans cet album. Il y a une sorte de continuité dans tout ce que tu as fait avec tes sept albums, je trouve. Bah, moi, c'est le son de cette époque, c'est celui que je préfère en musique, le matériel utilisé. J'ai travaillé avec Paul Butler à la réalisation de ce disque et c'est un cador dans ce domaine. C'est lui qui fait partie du groupe The Bees. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est un grand réalisateur de disques aussi. Il a fait de si beaux albums. Il a le savoir-faire et le son 60s, 70s et en même temps la modernité d'aujourd'hui où il simplifie, il épure les choses et il est très talentueux, très créatif. Non, mais c'est bien, un talentueux très créatif, bien sûr. Et la tournée, on a hâte. La tournée va reprendre là au printemps 2019. Qu'est-ce que tu nous prépares? Est-ce que ça va être quelque chose d'intime, de grandes salles? Qu'est-ce que ça va être? Non, ce ne sont pas des grandes salles, non. Plutôt intime, des théâtres. C'est, moi, c'est ce que je préfère. Plutôt intime avec les nouvelles et les anciennes chansons. Alors c'est ça aussi la difficulté d'être sur scène, c'est qu'il y a le public, des fans qui sont là depuis souvent le début ou qui t'ont rejoint en cours de route, qui ont envie d'écouter aussi des morceaux, des classiques, on va dire, de ton répertoire. On est obligé d'en tenir compte, on peut pas jouer que son nouvel album sur scène. Et comment tu fais ta sélection, parce qu'il y a quelques petits tubes quand même dans ce répertoire? À force de faire des tournées, je vois les chansons qui marquent les gens. Ouais. Et donc, et puis c'est pas une difficulté, c'est pas un truc obligé. Moi, ça me fait plaisir de les jouer. Puis je sais comment je réagis quand moi je vais voir des concerts. J'aime tellement entendre les chansons anciennes des artistes. Donc, ouais. Il faut pas que ce soit les mêmes à chaque fois. Donc, je sais pas, on fait un choix aussi de celles qui vont avec les nouvelles. Et puis, ça dépend des arrangements qu'on met autour des chansons. Et parmi ces classiques, il y en a une qu'on va écouter maintenant. Voici Divine Idylle, Vanessa Paradis sur RTL2. Yeah.

you had a bad day. Disons, avec Vanessa, on n'a pas parlé de la banque. Hop, hop, hop, on y va. Et les coffres sont toujours pleins, t'as vu, je suis complètement chamboulée. 32-28 pour jouer avec nous dans 3 minutes. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say. Beds are burning sur RTL. C'est l'heure de la banque RTL 2. Il est le dernier candidat de la banque RTL 2 cette semaine. Lui, c'est Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Greg, bonjour Justine. Salut Jérôme. Sortez pas votre grosse voix pour m'impressionner, Jérôme. Moi aussi, je peux le faire comme ça. Hein, dis donc, ça va. Hein. Comment ça va, Jérôme? Vous êtes à Fréjus, 95.8, le son pas propre. Tu le fais pas bien, Greg. Ouais. Non, mais Jérôme est unique. Ah, vas-y, Jérôme, c'est le faire. Vous êtes au boulot déjà? Vous partez au travail? Je vais partir après avoir raccroché avec vous. D'accord, simplement. Et vous allez faire quoi ce week-end, Jérôme? Je m'intéresse à vous. Je vais emmener mon fils à un match de basket. Ah, très bien. Très, très bien. Vous avez un fils de quel âge? 14 ans. C'est lui qui joue ou vous allez voir un match tous les deux? Ah non, c'est lui qui joue. C'est lui qui joue. Ouais, d'accord. Bon, très bien. Bah, écoutez, bon match de basket à lui. Merci. Et pour vous, bonne banque, évidemment, jusqu'à 10 000 euros, des séjours Thalazur. Il y a également des smartphones, plein de merveilles. Attention, au coffre vide, c'est l'avertissement habituel. Une minute pour jouer, top chrono. Coffre 1. Un séjour à Aix-en-Provence avec weekendesk.fr. Alors, petit week-end. Bon, pas de week-end. Coffre 2. Une guitare. Je passe. Coffre 3. Un grille-pain. Je passe. Coffre 4. Vous avez 4. De la chance, hein. Un séjour Thalazur pour deux personnes. Ah. Je passe. 2000 euros, hein. Je passe. Bon. Allez. Coffre 4. Il sait ce qu'il veut, Jérôme. Un smartphone Samsung Galaxy S9. Wow. 859 euros. Je passe. 23 secondes, coffre 5. Oh, merde. Non. Si, vous avez le droit flûte, de le dire. Flûte, la tuile, la barbe. Flûte, crotte de Bicarsor. Mince. On a laissé passer plus de 3000 euros. J'ai dit ça quand j'étais petit. Ah, moi. Pourquoi toi? Vous disiez pas ça? Ah non. Ah bon, bah, autant pour moi. On n'a jamais mis de ressort. Oui, bah, c'était une très jolie insulte. Bon, Jérôme, je suis désolé, ça ne passe pas pour cette banque. Jeu. Bah, c'est le jeu, vous avez tout résumé. Vous cherchez le cash. Bah oui, c'est ça, on a bien compris. Toujours, forcément. Eh oui. Trois cadeaux. Le mug du double expresso RTL2. D'ailleurs, sachez-le, Vanessa Paradis est repartie avec les deux mugs, hein, le blanc et le noir. Elle l'a réclamé. Ah, elle a réclamé son mug double expresso. Peut-être qu'on sera sur la pochette du prochain album, on n'est pas à l'abri. Hein. On ne sait pas. Et puis, il y a d'autres cadeaux. Jérôme, on vous offre également une Atlas for Men et également le DVD du film L'école est finie. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. On vous souhaite un beau week-end, un bon match de basket au petit Pitchoun. Et une seule question pour vous, Jérôme. Jérôme, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL 2? Un double expresso, bien sûr. I believe what I said. Why does everyone end me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh no. I know I done wrong, I'll pay for it. It's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't. Say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured. Tell me you've been betrayed. What I've done to you. Even if it doesn't matter, matter what's true. Say that you don't want me. Say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Look at all this heartache, what is left? Forgetting how it started, this is how it ends. Oh no, I know I've done some wrong, I'll pay for it. But it's your turn to talk, for once I'm listening. Qui était notre invité vendredi dernier. C'était Unknown, il est 8h56. Le double expresso RTL 2, le top 3 de Jonathan O'Donnell. Allez, on y va pour le dernier top 3 de la semaine. Jonathan, feu d'artifice. Go. T'as pas la pression. Ouh. On parle sport. Un arbitre a été suspendu pour avoir fait le tirage au sort du coup d'envoi d'un match féminin avec Pierre-Feuille-Ciseaux. Bah. Enfin, on se fait pas ça. Ah non, normalement, c'est la pièce. Ah, et oui. Pas même qu'à la mi-temps, il leur a proposé un 2-3 soleil. Tu vois, c'est le double gagnant, même. Ça. Un peu spécial. Justice, un homme de 40 ans a été condamné à Gap pour avoir écrit des menaces sur les murs chez son ex-compagne avec son sang. Mais quelle horreur. Ouais, le mec a pas trouvé les post-it, du coup, il a fait comme il pouvait. Hein, Mais en même temps, fut. Bah, faut mettre les post-it sur le frigo. Pas,